travaillait dans une entreprise honnête avec plein d'avantages acquis. Stock de RTT et l'emploi garanti, et à 60 ans la retraite. Un jour on nous dit, y a pas d'échappatoire, on peut plus se payer tous ces vieux. Faut trouver de la thune, un truc très astucieux, y a qu'à les faire cotiser bien plus tard. Y a qu'à les faire cotiser bien plus tard. Tout semble clair, mais il reste un mystère. Et pour commencer, ils ont dynamité les nantis des régimes spéciaux. Pas bien l'EDF, a reçu le cheminot. Ils ont divisé pour régner. Puis ce fut notre tour, maintenant il faut bosser. 50 annuités, bien tassées. À 70 ans, si je suis encore en vie, je ferai la grasse mat dans mon lit. Je ferai la grasse mat, oh oui, dans mon lit. Tout est moins clair, et il reste un mystère. Supplémentaire, année supplémentaire, nous squattons le job des genoux. Chômeurs à 20 ans, ils jouent à la guéguerre, scotchés à leurs jeux vidéo. Jamais je serai chef, quand même mon vieux patron s'accroche à son poste, vieux couton. Heureusement hier, ça fera bien mon affaire. Il est mort d'une bonne grippe aviaire. Il est mort d'une bonne grippe aviaire. C'est pas très clair, il reste donc un mystère. Je suis chef et je suis reconnu, mes potes n'en sont pas revenus. Joie de courte durée, notre boîte a fermé, le big boss nous a tous virés. Plus assez de clients pour notre activité d'hébergement de retraités. À force de travail, on meurt tous au boulot. Tango du gogo et rideau, tango du gogo et rideau. Moins de salaire et plus pour l'actionnaire. Moins de salaire et plus pour l'actionnaire. Moins de salaire et plus pour l'actionnaire. Merci.